Chapitre 5. C'est le matin, le soleil de feu monte déjà sur l'horizon dans ce ciel d'été qui nous enseigne la beauté et la brièveté des choses. Le duc de Palerme, le docteur Lorici et Pierre Fonrami se dirigent vers un immense bâtiment en gare gigantesque. Une charpente en fer soutient la toiture vitrée. Les murs sont en briques. Une porte large et haute mue électriquement, glisse en silence sur les rails d'acier poli. Ils entrent, une grande lumière tombe de la toiture vitrée, et le prince, « Voilà la rondine qui nous portera jusque dans les solitudes du Tibet et partout où il nous plaira d'aller. » Fonrami regarde, c'est un des plus gigantesques aéroplanes qu'il ait jamais vu. Il en demeure stupéfait et confondu, comme au temps où il contemplait pour la première fois les statues colossales de Bouddha dans les temples japonais. Lentement, ils font le tour de l'appareil et le duc de Palerme prend la parole. « Vous êtes surpris ? Avant que le docteur vous fasse les honneurs de son invention, laissez-moi vous donner quelques chiffres globaux et rapides. L'appareil a, du gouvernail aux hélices, 180 mètres de long et également 180 mètres d'envergure. C'est un biplan. Chaque aile, qui est rectangulaire, à 80 mètres de long sur 40 de large. Le gouvernail de profondeur à l'arrière donne une surface portante de 800 mètres carrés. À proportion, chacune des deux hélices a 20 mètres de hauteur. Examinez le bâti central où se trouve notre logement, celui de l'équipage et la machinerie. Il a la forme d'une coque de navire. Sa longueur est de 100 mètres, sa largeur de 35 à la hauteur des ailes. Nos machines sont électriques et, comme il vous sera expliqué tout à l'heure, d'une force infinie. Tout à bord se fait électriquement. Cependant, les gouvernails possèdent des commandes de secours mues par des appareils à air comprimé. En un mot, nous avons appliqué ici les dernières découvertes de l'aéronautique augmentées des inventions personnelles du docteur. La moindre est un stabilisateur automatique. Notez encore que les ailes sont, à partir de leurs extrémités, vibrantes sur un tiers de leur longueur. Grâce à ce dispositif, l'appareil peut planer et rester à la même place en descendant très lentement. Gros avantage dans une exploration scientifique comme la nôtre. Voilà grosso modo ce qu'est le yacht aérien, la rondine, qui va nous emporter à travers l'espace. Fonrami, intéressé au plus haut point, se tait. Le prince continue. « Montons à bord, où d'autres explications vous attendent. » Le bâti uniforme qui contient les aménagements, les logements et la machine est haut de près de 18 pieds. Dans son flanc droit, un escalier mobile déroule ses marches de noyer à monture d'aluminium. Deux mains courantes l'encadrent. Il monte, le pont est parqueté de feuilles d'aluminium renforcées par de minces nervures d'acier. Le docteur explique, à l'avant, le poste de l'équipage, au centre, la machinerie, à l'arrière, l'appartement des passagers. En dessous sont aménagés les magasins à vivres, les citernes et les réservoirs pour l'air comprimé qu'on utilisera aux hautes altitudes. À l'avant, deux petites cabines en sapin verni s'ouvrent sur une salle à manger minuscule. C'est le logement du maître d'équipage et du maître mécanicien. Puis le poste où 10 hommes peuvent tenir à l'aise. Net, poli, vernis confortablement aménagé. Au fond, un lavabo très clair, avec des appareils à douche. Plus loin, des tables, une petite bibliothèque, en noyer ciré. Il y a encore une cabine aménagée en atelier photographique. Dans une expédition semblable, la photographie et la cinématographie seront d'un grand secours. Elles permettront, par des clichés successifs, de relever les aspects du terrain et de suppléer aux travaux géodésiques et topographiques. À côté, un poste de TSF permet à l'aéronef de communiquer en tout temps avec IRTA. Une porte glisse, c'est la cuisine aux instruments étincelants. Des radiateurs, des grilles électriques, des bouilloires, de multiples robinets à eau chaude et à eau froide, des couvre-plats et des passe-plats portés sur de légers chariots électriques suspendus à un rail d'acier. Au fond, une autre porte. On est dans la salle des machines. À droite et à gauche, d'énormes dynamos tétrapolaires font briller leur cuivre. Elles sont accouplées par deux et travaillent sur de longs arbres de couches. puis il y a d'autres machines, accouplées ou montées en série, et au fond de gros accumulateurs. Des galeries légères, des escaliers en aluminium découpés à jour permettent d'avoir accès partout. Fonrami comprend qu'il y a ici des mystères, des secrets tout au moins. Il se garde de poser des questions. Toutefois, il ne peut retenir son étonnement en voyant des câbles électriques qui, dans leur gaine de porcelaine, percent le plancher d'aluminium. Et le docteur, pourquoi ne pas tout vous révéler? Ces câbles vont rejoindre sous la coque l'antenne réceptrice. Nous avons réalisé le transport sans fil de la force à distance. Les insolateurs qui travaillent à la surface de l'île nous fournissent une force électromotrice d'une puissance presque infinie. Les antennes que vous avez vues entre les deux tours l'envoient dans l'espace et nous la recueillons directement. Où que vous soyez, oui, où que nous soyons à la surface du globe. Et si les machines de Yerta s'arrêtent, une panne imprévue, c'est bien peu probable, mais j'y ai songé. Voici des accumulateurs de mon invention. Ils ne sont pas encore dans le domaine public. Pas plus que ne l'est d'ailleurs mon moyen de transmettre la force à distance. Grâce à eux, j'ai, quoi qu'il arrive, 4 heures de marche assurées, c'est-à-dire près de 1000 kilomètres. Ce serait insuffisant au milieu de l'océan. D'accord, mais nous avons à bord des moyens de sauvetage. 2 canots automobiles insubmersibles sont arrimés sous la nacelle. 2 canots, l'embarcation qui m'a conduite ici, fonctionne comme la rondine. Merveilleux, n'est-ce pas? Mais pour partir, il vous faut une place considérable. Il songe aux trains imposants, d'une 40aine de roues munies de bandages pneumatiques qu'il vient de voir sous le châssis d'atterrissage. Moins grandes que vous ne le croyez à cause de nos ailes vibrantes qui nous soulèvent verticalement. Et en mer, nous avons des flotteurs. Grâce à notre élévation sur l'eau, nous pouvons amerrir même par forte houle et repartir ensuite. Ils poursuivent leur route. Une nouvelle porte montre un appartement élégant et habilement divisé. La décoration, sans être uniforme, est traitée dans le style italien. De larges baies vitrées répandent à flot la lumière. Le parquet est de bois précieux artistement assemblé. Les cloisons sont peintes à la fresque. Des plantes tropicales au feuillage luxuriant s'épanouissent dans des vases indiens aux ors anciens et dans des grès flammés. On traverse une salle à manger au style sévère, dans le goût florentin. Des porcelaines chinoises décorent un buffet en bois d'érable. On visite des cabines, confortables et élégantes, avec leurs larges couchettes pivotantes. Leurs tiroirs ingénieux qui glissent les uns sur les autres et tiennent peu de place. Leurs lavabos automatiques et électriques. Puis, c'est une salle de bain, blanche, autour d'une vasque rose. Des décorations bleues courent le long du plafond. Plus loin, une petite bibliothèque qui est aussi un fumoir. À l'arrière, un boudoir coquet où l'on voit, parmi de discrètes élégances, un piano de modèle réduit à clavier pivotant. Chapitre 6. Le jour du départ, matinée enjôleuse. La chaleur est encore supportable. Le soleil levant joue au loin sur la mer immobile. L'équipage est à son poste, une 10aine d'hommes solides, portant crânement vareuse bleue, pantalon bleu et béret blanc. Il est réparti en 2 bordées. Luigi Ferrato est sur la passerelle, le maître d'équipage auprès de lui. En plus de l'équipage, un cuisinier et un marmiton nègre, un valet de chambre et une femme de chambre. La grande porte roule, le navire aérien est tiré dehors par un tracteur électrique. La population de l'île est là. Le prince passe solennellement ses pouvoirs au syndic, puis il monte à bord. Tous les membres de l'expédition sont maintenant réunis sur le pont. Luigi Ferrato, debout sur la passerelle, déplace une manette et la cloche électrique du bord lance 3 appels puissants. La foule s'écarte, les moteurs sont mis en marche, un bourdonnement, ronflement doux et sonore, bruit et s'élève. Un frémissement secoue la rondine. Elle part, elle avance, elle roule, les ailes battent, les hélices tournent à pleine allure et, d'un seul coup, l'aéronef pique dans l'air limpide. Il monte. Tout descend et s'aplatit autour de lui. Il monte toujours et, d'un élan rapide et sûr, s'élève dans l'espace. L'île de Yerta apparaît tout entière, avec ses vergers et ses plantations, ses blanches maisons, ses terrasses, son palais et le galon d'argent dont l'entoure la mer. Au loin s'arrondit la côte de Tripolitaine, basse et jaune. Le golfe profond de la Grande Syrte se creuse. Dans le plus joyeux des départs, il y a toujours quelque mélancolie. Fonrami l'éprouve, bien qu'il ait coutume de ne rien regretter et que, réglant sa vie conformément à sa raison, ne s'engageant point dans des entreprises au-dessus de ses forces, il s'abandonne en toute simplicité et sans trouble aux lois qui régissent l'univers. Le prince vient le rejoindre. Nous allons faire route droit sur la crête, en nous maintenant à 1000 mètres d'altitude environ. C'est le chemin que vous conseillez ? Oui, c'est le plus logique. À quelle vitesse ? Ferrato ne veut pas dépasser 80 à l'heure, et je l'approuve. Rien de plus insupportable que d'aller trop vite. Voilà que nous tanguons. Une poche d'air chaud, sans doute. Vous ne craignez pas le mal de mer ? Je le méprise. Voilà qui va mieux. Les couches d'air deviennent plus homogènes. Ces moteurs électriques sont parfaits. Quelle douceur et quel silence ! Oui, tandis qu'avec les moteurs à explosion, on est littéralement abruti par le bruit. Il se penche sur un altimètre. 2000 mètres. Pourquoi donc Ferrato monte-t-il de la sorte ? Pour éviter la chaleur, sans doute, car la brise fraîchit. Et le prince entraîne Fonrami derrière un paravent vitré comme il en existe plusieurs sur le pont. Ce n'est pas du verre, mais de la gélatine vitrifiée transparente, plastique et pratiquement incassable. C'est avec cette gélatine que sont fabriqués les masques que nous mettrons aux hautes altitudes. Ils sont pratiques. Un tube en caoutchouc les fait communiquer avec un réservoir à air comprimé qu'on porte sur le dos, à la manière d'un sac de soldat. Un appareil automatique règle la pression. La gélatine vitrifiée transmet facilement les vibrations de la voix et, en parlant sous le masque, on peut se faire entendre à quelque distance. Cependant, à l'arrière, à l'abri des paravents transparents et mobiles, la princesse avait gagné un fauteuil d'osier à bascule. Tout en se laissant râler au balancement de l'aéronef, elle regardait la mer lumineuse qui faisait étinceler sous ses pieds des barres d'écume. Pierre Fonrami vint la saluer. Elle lui désigna un siège auprès du bastingage. Elle se sentait prise de sympathie pour cet homme, encore jeune, qui cherchait à dissimuler ses connaissances sous un manège mondain, mais qui était un peu, quoi qu'il fît, ce que Malebranche nomme un pédant à la cavalière. « Nous voici au début de notre aventure, monsieur. Nous recommençons donc le voyage d'Aîné, mais en sens inverse. Et encore, ne suivrons-nous qu'une partie de son itinéraire. Ce serait chose charmante, cependant, que de l'accompagner depuis Troyes jusqu'au rivage italien, en passant par la Thrace, les Cyclades, la Crète, et de nous arrêter à Carthage pour y recevoir la fastueuse hospitalité de la reine Didon. Pourquoi Virgile ne s'est-il pas attardé ici, en longue description ? En vérité, c'est une esquisse bien rapide qu'il trace. De l'Afrique, où son héros reste plus qu'il ne devait, à mon gré, que nous dit-il ? Presque rien. C'est que, madame, ce ne sont pas là, à proprement parler, les pays vraiment virgiliens. Réservons ce nom pour l'Italie, pour ces contrées que le poète connaissait et aimait, où il conduisait Aîné volontiers, car il était heureux de les peindre. Connaissez-vous la Sicile ? Bien mal, hélas. C'est un pays de repos et de recueillement. J'imagine que c'est surtout ce que Virgile y vint chercher, s'il y toucha jamais, ce qui d'ailleurs est douteux. Mais dans cette hypothèse, l'indulgence du climat et la beauté des lieux le séduisirent. Il s'en est souvenu. La Sicile avait d'autres mérites encore. Elle lui rappelait la Grèce. La Sicile, c'était presque la Grèce, mais une Grèce déjà italienne. Oui, sur tout cela, que de clarté il faudrait avoir. On ne peut être introduit que par l'intelligence au sentiment de la beauté virgilienne. Il faut percevoir le gémissement de la vie captive au fond de l'œuvre, entendre le cri qui éveille la sensibilité et l'émoi au fond de l'âme. On ne cueille pas toujours le laurier sacré, mais, dans le mouvement des branches, on admire les bras nus de la belle Eurydice. Il est regrettable que votre Altesse royale ne consacre pas à Virgile. Quoi ? Un livre, peut-être ? Non, 1000 fois non. Laissons aux pédants leur pâture. J'ai bien d'autres soucis. Vous êtes jeune encore, monsieur, et ne pouvez savoir tout ce qu'il y a dans une existence princière. nous avons parlé de Wagner, je crois. Vous souvient-il de cette adorable page dans laquelle le poète nous dit que, sous le fardeau d'un diadème d'or, la reine Isolde a courbé le front ? Telle fut ma destinée, avant de porter le diadème de cheveux blancs que vous voyez. Ici, la cloche du bord interrompit l'entretien. Eh bien, docteur, quoi de nouveau ? Mais rien, absolument rien. L'aéronef marche à merveille. Le courant nous arrive avec une régularité mathématique. Les moteurs sont au point. Le stabilisateur ? Jugez-en vous-même, nous voyageons avec le minimum de secousses. Très exact. Et sauf les montagnes russes de temps à autre. Inévitable, cher monsieur, absolument inévitable. Vous le savez comme moi, les couches d'air ne sont pas homogènes. D'où, avec notre vitesse, des escalades rapides et des descentes précipitées. Ils vont vers l'avant. Entre les deux hélices s'élève le banc de car, une cage vitrée sur une légère passerelle. Le maître d'équipage, les mains derrière le dos, le nez au vent, fait les 100 pas. La rondine vole à faible altitude. Dans la cage, le pilote est debout, les mains sur les leviers de direction, les yeux sur la boussole. Auprès de lui, l'altimètre et l'indicateur de stabilisation automatique. Sur le pont, les hommes de l'équipage vont et viennent. Les uns roulent des cordages, les autres font luire les cuivres. Fonrami redescend. « Vous nous quittez ?»« Oui, docteur, j'ai à travailler. Mes notes sur le Tibet à relire et à classer, une carte à mettre à jour, les instruments à vérifier. Je vais profiter de cette absence de roulis absolu et de tangage pour démonter et nettoyer les objectifs. » Entendu. Vous savez que dans quelques jours, nous comptons sur vous pour nous guider dans ces solitudes glacées. J'en frissonne d'avance, moi qui ai froid. Je vous promets de belles températures. En vérité, jugez-en, il y a 3 ans, je suivais la route septentrionale du lac Bleu, rive tourmentée, découpée de vallées profondes, et où il n'y a pas un arbre, pas un arbuste, mais seulement de misérables petits genévriers, dont la fumée est considérée par les Tibétains, les Mongols, et, chose curieuse, même par les Turcs musulmans, comme agréable à la divinité. Je fus assailli par une tempête de neige qui dura 23 heures. Après quoi, le baromètre remonta brusquement. Le temps devint beau, froid, sec et vif. Pendant 4 jours, la température oscilla entre -27 degrés et -45 degrés centigrades. Et que vous arriva-t-il par ces froids polaires ? Nous marchions comme nous pouvions. Depuis plusieurs jours, nous étions rationnés. Plus de viande, plus de riz, plus rien. Sur 50 animaux, j'en avais perdu 30, épuisés de fatigue, de faim, de froid. Nous chancelions sur nos jambes. Enfin, nous rencontrâmes quelques bergers qui nous menèrent à leur campement. Ce fut le salut. Vous comprenez sans peine, docteur, qu'après ces épreuves, et d'autres encore, le froid du Tibet me laisse assez indifférent, alors que je dois le braver à bord d'un aéronef confortable, supérieurement aménagé, douillettement chauffé, où je n'aurai rien à redouter, pas même les variations de la pression atmosphérique et la raréfaction de l'air, puisqu'un génie bienfaisant a tout calculé, tout prévu. Raillez, raillez, c'est de votre âge. Mais n'oubliez pas que je suis le sorcier du bord, et que, s'il me prend fantaisie de vous laisser en panne entre le Gobi et le lac Montcalm, vous regretterez vos plaisanteries. » Les deux hommes se serrent la main en riant. Puis Fonrami, dans sa cabine, tout en fumant d'innombrables cigarettes, se met au travail. Comme il achève de plier ses cartes, il avise sa photographie. Quelques gouttes d'eau en ont taché le cadre, et, de la bordure, un mince filet rouge, semblable à du sang, a coulé et barre l'image. « Voilà, se dit-il, un présage bien triste. » Chapitre 7. Luigi Ferrato se penche sur sa carte. « Oui, nous passerons par le désert de Syrie et par la Mésopotamie. Jusqu'aux confins du Tibet, je ne vois pas, monseigneur, d'autre route que celle que nous nous sommes tracée, à Yerta. Plus loin, Fonrami nous conseillera. » L'aéronef descend. Les câbles métalliques vibrent et sifflent sous le vent qui les cingle. Semblables à des serpents aux écailles d'argent, 2 fleuves luisent dans la plaine. Est-il un exemple plus navrant de l'incurie et de l'incapacité des Turcs que cette Mésopotamie ? Jadis, un des plus riches pays du monde, non pas seulement dans la très lointaine antiquité, aux époques un peu légendaires, où florissaient Ninive et Babylone, mais aussi au Moyen Âge, au 8e et 10e siècle, sous les califes abbassides de Bagdad. C'est une Égypte plus septentrionale mais double, avec ses deux fleuves jumeaux, et qui se prête merveilleusement à toutes les plantureuses cultures. Partout, on y découvre la trace d'immenses travaux hydrauliques. Mais presque partout, hélas, il ne reste plus rien qui soit utilisable. Oui, elle est bien déchue de son ancienne splendeur, la Mésopotamie. Mais combien belle encore au sortir du désert syrien. Penché sur le bastingage, le duc de Palerme observait, et à fond rami, c'est ici que Julien l'apostat transporta ses 1100 navires de l'Euphrate au Tigre, s'il faut s'en rapporter à Amiens Marcelin. Croyez-vous la chose possible? Pourquoi pas? Si mes souvenirs sont exacts, il existait, entre les deux fleuves, un vieux canal, dont s'était servi jadis Septime Sévère. Julien n'a eu qu'à le déboucher et à l'utiliser. En somme, la Perse a usé les armées romaines. Rome s'est épuisée à sa conquête. Cette formidable expédition de Julien, qui semblait devoir être décisive, a échoué comme les autres. Parce que mal conduite. Le prince sourit. Je n'ai pas pour Julien, vous le devinez, une grande tendresse. Permettez cependant que je le défende à un certain point de vue. Si je condamne sévèrement son apostasie, j'admire son patriotisme et ses talents militaires. Traître à son Dieu, il ne le fut point à son pays. Perfidus illae Deo, quam vis non perfidus urbi, comme dit Prudence. Pierre Fonrami ne détestait pas la controverse. Il s'y jeta, tête baissée. Monseigneur, j'ai étudié Julien. Cet homme de guerre est surtout un tacticien de détail. Il porte dans l'art militaire les complications de son esprit subtil et minutieux. On ne peut le mettre au rang des grands capitaines de l'Antiquité, et je ne parle pas seulement d'un Hannibal ou d'un César, mais je ne comparerai Julien ni à Lucullus, ni à Tibère. Sa fameuse campagne des Gaules est un simple coup d'audace. Il se peut, c'est un administrateur. Certes, il est attentif et scrupuleux, mais il a des idées bizarres. Je ne crois pas me tromper en affirmant que seule sa mort prématurée a sauvé l'Empire d'une catastrophe économique. Et sa restauration du paganisme? Vous le savez mieux que moi, monseigneur. Ce mystique, qui ne recule pas devant des scènes de magie, dont certaines, dit-on, furent atroces, a bâti sur le sable une œuvre éphémère. Le paganisme mourait de sa belle mort, et ce n'est pas le néo-platonisme barbare de Julien avec sa religion du roi soleil et le sadisme de ses sacrifices qui pouvait le sauver. Oui, je sais bien, il tâche de fortifier le paganisme, et dans cette aventure fait de nombreux emprunts à la doctrine de l'Église. Mais l'imitation est médiocre, incohérente et confuse. Enfin, Julien est un détraqué, au moins à la fin de sa vie. Il s'épuise en jeûne, en abstinence. Il a des visions, des hallucinations. Il s'abandonne au charlatanisme des augures. Bref, sa mort arrive à point. Ce que vous dites est juste. Cependant, vous êtes peut-être trop sévère pour ce méchant philosophe, en ce sens que vous négligez les causes profondes de ses misères. En réalité, devenu Hélène dans le commerce d'Homère et d'Hésiode, sophiste avec les docteurs du néo-platonisme, Julien voyait dans les dieux tantôt l'allégorie des phénomènes naturels, tantôt les émanations du Dieu suprême. Ajoutez à cela la magie égyptienne, la sorcellerie syrienne, et vous comprendrez que son esprit s'était en quelque sorte affaibli parmi ses appauvrissants éclectismes, jusqu'à choir dans une véritable anarchie morale. Il restait désormais trop flottant, trop indécis, trop habitué à fondre ensemble des théories contradictoires et vagues, pour comprendre les majestueuses clartés de la doctrine chrétienne et pour admettre l'autorité d'un système religieux fondé sur l'union du dogme et de la foi. La princesse qui s'était approchée écoutait en souriant. « La Mésopotamie est loin !» et elle étendit la main. L'aéronef filait à toute allure et les hautes montagnes bleues de la Perse se profilaient à l'horizon d'ouest. Sous le vol souple et puissant de la rondine, la Perse s'enfuit. On a franchi de hautes montagnes, de longues plaines stériles, des paysages de désolation et de mort. L'aéronef vole toujours et, dans le salon de l'arrière, où tout le monde est réuni, pour la dixième fois, Fonrami expose le programme de l'exploration. Les photographies à prendre, les plans à lever, planimétrie, topographie, coupe de terrain. Il prévoit, calcule, quel gros travail en perspective. Soudain, il s'interrompt. Le duc de Palerme ôte son lorgnon. « Écoutez, dit-il, on entend de grands sifflements. » Luigi Ferrato sort et revient presque aussitôt. La tempête. Oh, elle était prévue, je l'attendais depuis 24 heures. Au téléphone, il donne quelques ordres, après quoi il monte sur le pont. L'aéronef tangue et roule, il donne de la bande, puis dégage et prend de la hauteur. La tempête s'est apaisée après avoir fait rage pendant 14 heures. Maintenant, la rondine file à grande allure pour rattraper le temps perdu. Le soir vient. La nuit tombe, la cloche sonne, on allume les feux de position. Et la rondine poursuit imperturbablement sa route, tandis que continue à bord la même vie simple et régulière d'une monotonie non dépourvue de charme. Chapitre 8. À faible altitude, la rondine vole et pousse de l'avant. Voici des vallées profondes, des montagnes qui se dressent. L'état de l'atmosphère se modifie avec rapidité. Le thermomètre tombe à 41 degrés Fahrenheit. Il fait froid. Un vent âpre souffle. Les calorifères électriques sont mis en action. Tout le monde revêt de chauds vêtements de laine et les fourrures sont préparées. Le baromètre baisse et, à l'horizon, se montrent des teintes grisâtres. Puis, le vent se met à passer en tourbillonnant. Par moments, il forme des trombes. La neige tombe, fine et impalpable, non pas verticalement, mais horizontalement. Le bruit de la tempête a remplacé le silence si complet des jours précédents. Le froid augmente, le baromètre tombe encore, le chasse-neige se déchaîne avec une incomparable violence. Une averse de flocons emplit l'air. Cette neige qui s'amasse peu à peu sur les ailes peut devenir dangereuse par son poids. Que faire? Le salut est en haut, il faut monter. Ferrato, de son banc de car, dirige la manœuvre. L'aéronef pique vers le ciel. Il se cabre sous les rafales. Ses ailes sont alourdies. Les commandes raidies par le froid jouent mal. Il y a un moment d'angoisse. Mais, entraînée par ses puissantes hélices, la rondine se dégage des rafales. Les plaques de neige qui s'accumulaient déjà sur ses plans s'écaillent, glissent et tombent. Délestée, d'un coup brutal et rapide, l'aéronef pique droit au zénith et, dans la cuisine, un bruit épouvantable de vaisselle cassée accompagne cette ascension foudroyante et triomphale. « Zeligeo de Hauf, veniger, ho !» Mais la princesse hausse imperceptiblement les épaules. « Ne parlez pas ici de ce poème de fougue et d'énergie, du nirvana plutôt. »« Pourquoi, madame ? Le nirvana, c'est la délivrance, le salut, tranchant le mot, le bonheur. Mais quel bonheur ! On s'évade par lui de la loi de la transmigration en entrant dans un état impersonnel et inconscient. Un des moyens d'y parvenir, c'est la contemplation indéfinie, ou plutôt l'habitude d'une passivité aussi complète que possible, et la négation du bonheur allant jusqu'à la négation de la vie. L'homme cherche un refuge dans l'anéantissement. Ainsi, il n'entame même pas la lutte contre les difficultés de la vie. Il capitule purement et simplement, au lieu que nous, et Fonrami de la main montre le ciel et la terre. Les nuages, chargés de neige, sont maintenant loin, en arrière. Dans l'air limpide et calme, la rondine vole doucement. Il fait froid, moins 22 centigrades, 5400 mètres d'altitude. Sous l'aéronef, un chaos fantastique de pics neigeux, de montagnes noires, de gorges profondes où courent et bondissent des torrents aux eaux vertes. C'est le Tibet qui commence. Et peu à peu, les montagnes s'élèvent. L'aéronef monte toujours. Le froid devient plus intense. Les hélices tournant à toute vitesse font entendre des cris plaintifs. Les longues ailes battent à coups précipités. L'air se raréfie. On apprête les masques et les réservoirs à air comprimé. Mais on n'en use pas pour le moment. On monte encore, très lentement, pour habituer peu à peu l'équipage aux hautes altitudes. Là-bas, de grands plateaux blancs s'étalent. Dans le ciel, le soleil qui, lui, est maintenant haut. Il s'approche du point culminant de sa course. Luigi Ferrato et Pierre Fonrami braquent alors la lunette de leur sextant. Il ramène le soleil sur les horizons artificiels en attendant qu'apparaisse le point de tangence. Un profond silence et tous les deux en même temps, midi. Les lunettes sont immédiatement abaissées. L'officier et le savant lisent sur les limbes gradués la valeur des angles qu'ils viennent d'obtenir et se mettent un continent à calculer leurs observations. Ils les comparent, prennent l'écart moyen, puis Luigi Ferrato s'avançant vers le prince. « Monseigneur, nous sommes en ce moment par 80 degrés 14 minutes 11 secondes de longitude est du méridien de Paris et par 40 degrés 20 minutes 7 secondes de latitude septentrionale. » Ici commence notre voyage d'exploration, ajoute Pierre Fonrami, et, comme tous demeurent silencieux, la voix de la princesse s'élève. Que Dieu nous protège. Maintenant, le pays présente une suite de larges et profondes vallées séparées par des cols abrupts. Que de mal j'ai eu ici, dit Fonrami au prince, quand j'ai battu en retraite lors de ma première expédition. Les hommes refusaient d'avancer, les yaks s'abattaient, les rations devenaient de plus en plus réduites. L'air se raréfiait et le moindre mouvement fatiguait au-delà de toute limite. « Et par là ?» demanda le duc de Palerme en étendant la main. « Par là ? Rien, c'est l'inconnu. Peut-être quelques bergers tibétains ont-ils parcouru ces régions, et encore j'en doute. Il me tarde de lever cette carte. Il me tarde aussi, monseigneur. » En somme, l'homme vit d'illusions. Venir de si loin pour découvrir quoi? Des montagnes neigeuses, des plateaux désolés, des lacs? Qui sait? La rondine franchit les monts neigeux qui bordent le premier plateau. Voici un lac, dont l'azur sombre et tranquille contraste violemment avec la blancheur des montagnes aux mille pointes. Elles surgissent, se haussent, se tassent, grimpent les unes sur les autres comme si elles voulaient escalader le ciel. À l'avant, Pierre Fonrami est debout sur la passerelle auprès de Ferrato. Ils observent avec soin l'horizon du sud-est. Oui, là-bas, une tache noire très curieuse. Docile, la rondine évolue et pique sur elle. La tache s'agrandit, s'élargit, elle occupe maintenant une partie de l'horizon. Bien que d'en haut, les dénivellations du sol soient difficiles à observer, la terre semble se creuser, des abîmes se dessinent. Ferrato donne un ordre, lentement la rondine descend. Mais on est trop haut encore pour juger des aspects du relief, et l'aéronef évolue. Maintenant, il plane à quelques centaines de mètres. Ses hélices tournent à petite vitesse, mais ses ailes puissantes battent et le maintiennent presque immobile. À bord, toutes les jumelles sont braquées. Le temps est très clair, le soleil radieux qui brille va s'abaissant vers l'horizon, et on voit une sorte de coupure dans le plateau qui, de droite et de gauche, s'élargit à perte de vue et vers l'est semble sans limite. Une immense vallée, un fossé gigantesque plutôt, qui semble large de 20 à 30 kilomètres et file droit vers l'horizon. Les bords de cette vallée sont abrupts et à pic. « Curieux, » murmure Fonrami. L'aéronef descend encore à petits coups tranquilles. Ses larges ailes battent. Des falaises immenses s'étagent par degrés successifs, un escalier de titan, un cirque de Gavarnie aux dimensions prodigieuses. « Pouvez-vous maintenir l'aéronef à peu près immobile ?» demande Fonrami à Luigi Ferrato. « Je vais essayer. » Pierre Fonrami dresse sur son pied le Baron Straud. Puis, aidé du prince, il braque aussi le théodolite. Il s'absorbe dans des calculs, observe l'altimètre et le baromètre, prend des notes sur son carnet. Il court à sa cabine, revient avec des cartes, des minutes, il les étale et les consulte en fronçant les sourcils. Ses lèvres sifflotent « Curieux, curieux !» Mais une brume légère et opaque monte. Elle s'étend comme un voile somptueux, tandis que le prince murmure « Des forêts !» Pas de doute, ce sont bien des forêts. La nuit vient, quelques étoiles pointent dans le ciel qui s'assombrit, Ferrato prend des relèvements, puis, au duc de Palerme, « Monseigneur, ce pays est si bizarre, cette région si incertaine, que je vais prendre de la hauteur, préférant passer la nuit à une grande altitude. » « Vous êtes le seul maître ici, mon ami, vous le savez. » L'aéronef s'élève en décrivant de longues spirales. On dîne, repas silencieux, chacun est tout à ses pensées. Cette coupure titanique dans le plateau, ces forêts à de telles altitudes, tout cela donne à réfléchir. Certes, il y a là de quoi déconcerter. Malgré la joie de la découverte, La tante est un peu fiévreuse et la princesse résume bien d'un mot l'opinion générale en disant qu'elle éprouve l'angoisse d'un danger imminent. Au salon, les cartes et les minutes étalées, Fonrami parle. Région inconnue, où nul explorateur ne s'est encore aventuré. Ici, la carte est blanche, ce blanc dont avait horreur Sven Hedin. Notre altitude était de 5 800 mètres. Le plateau est à environ 4 900. Si mes calculs sont exacts, la muraille, ou plutôt le cirque, mesure environ 2500 mètres du sommet à la base. Le bas est donc à une altitude moyenne de 2500 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui peut expliquer une végétation abondante. En vérité, j'hésite. Ces hauts plateaux peuvent nous réserver bien des surprises. Au jour, nous serons sans doute fixés. Si je ne me trompe, nous n'aurons pas fait un voyage inutile. Le prince interroge « À quelle altitude commence la végétation tibétaine ?» C'est assez variable, mais en moyenne, au sortir de la zone glacée et stérile, quelques cultures rares et pauvres se montrent vers 3800 mètres. Si l'on descend, peu à peu, les pentes des montagnes se revêtent de bois chétifs et clairsemés. Genévriers, tamaris, pins, sapins, cèdres et ormes. Enfin, vers 2500 mètres, la forêt s'épanouit. Et dans le fond des vallées, on trouve du blé, des légumes, des fruits, parfois même du riz, des raisins et des grenades. À toute règle, il est des exceptions. Ne vous ai-je pas conté que j'avais trouvé des abricotiers et des jujubiers par 2500 mètres d'altitude? Donc, rien ne s'opposerait à ce que nous trouvions un sol fertile et une végétation abondante par 2500 mètres. Rien, surtout entre le 30e et le 40e degré, ce qui est en somme la latitude moyenne de la Tunisie. Cependant, il doit y avoir autre chose. Une cause m'échappe, car il ne s'agit pas de forêts rabougries et de fonds de vallées fertiles. C'est à perte de vue, une véritable contrée sylvestre qui s'offre à nos yeux. Un pays verdoyant et fort bien arrosé, l'avez-vous remarqué? J'ai aperçu un lac dans le lointain, interrompt le docteur. Et vraiment, je ne tiens pas en place. Cette nuit-là, tous les sommeils ne furent pas sans rêve. Le jour vient, le soleil lutte contre quelques vapeurs qui voilent encore l'horizon à l'est. Il paraît bientôt dans une rougeur radieuse. Au loin, bien au loin, tout étincelle, tout rayonne. Nous sommes trop au nord, dit Ferrato à Fonrami, qui l'a rejoint sur la passerelle. Vous voyez ces deux pics roses là-bas, à l'horizon du sud? C'est mon alignement d'hier soir. Souple et docile, l'aéroplane fait route au sud. Chacun se blottit derrière les pare-brises transparents. « -10 centigrades !» proclame le docteur. Il ramène frileusement sur sa poitrine son épaisse fourrure. Peu à peu, l'horizon s'élargit et bleuit. Les pics aigus se détachent avec plus de netteté sur le ciel transparent. Au-dessous, des vertigineuses chaînes, dont les contours se percent dans le bleu noir du ciel, les teintes neigeuses des glaciers s'allongent à l'infini. Un grand nombre de moraines les strie. Maintenant, c'est la falaise rude et abrupte qui se creuse. Barrière gigantesque, fortification puissante et infranchissable d'un paradis verdoyant. Les passagers sont sur le pont et, debout contre le bastingage, regardent avec attention. Toutes les jumelles sont braquées. Le froid est moins vif. L'aéroplane descend lentement. Il dépasse le bord supérieur de la falaise et arrive au niveau du premier palier de ce gigantesque escalier. Au flanc de la muraille de granit, des torrents roulent et tombent en cascade. Spectacle merveilleux. L'aéronef descend toujours, obéissant à ses commandes. Les passagers voient maintenant de profondes forêts qui s'étalent à perte de vue, coupées de vastes espaces libres, des prairies peut-être. Derrière eux, la courtine titanique s'élève à pic dans le ciel et les surplombe. Soudain, un immense éclair enveloppe l'aéronef d'une nappe de flammes aveuglantes. Un bruit strident, une détonation courte et sèche, des vitres se brisent, des haubans cassent. Sous la passerelle, un rouf vole en éclats. Trois hommes blessés s'affaissent sur le pont. Un grand silence et l'appareil pique effroyablement du nez, puis glisse, sur une aile. Dans un mouvement d'affolement, chacun court au parachute. Mais Ferrato a bondi dans la cage vitrée. D'une main ferme, il saisit les commandes et redresse l'aéronef. Dans le porte-voix, il lance un ordre. Silence, que personne ne bouge. L'équipage au poste de manœuvre. La rondine est en équilibre, mais elle tangue et descend rapidement. Ferrato appelle « Fond rami !» Il accourt. Le stabilisateur est faussé, les moteurs ne donnent plus. Il faut que j'atterrisse tout de suite, là en bas. Vous ne pouvez pas remonter sur le plateau ? Non, je n'ai pas assez de vitesse. Aidez-moi à trouver un champ d'atterrissage, sans quoi nous nous tuons dans les arbres. Je puis parcourir encore 10 kilomètres. Il est dit, et les dents serrées, s'arc-boutant aux commandes à air comprimé, il gouverne. Fond rami, anxieux, se penche sur la passerelle et, la jumelle aux yeux, cherche. Les arbres grandissent. Soudain, une éclaircie. Voyez, voyez. Oui, là, ces prairies. Quels arbres ! De la place tout de même, à la grâce de Dieu. La rondine pique brutalement. On dirait qu'elle va se briser sur le sol. Donnée à temps, un coup de gouvernail de profondeur la relève. Un premier choc, à peine sensible, puis un autre, plus violent. Un arbre entre dans le bordage. Deux secousses, les ressorts d'atterrissage plient à se rompre. L'aéronef est à terre, immobile. Luigi Ferrato fait l'appel de son monde. Personne ne manque. En somme, pas d'accident grave, des blessures légères. Le docteur Lauricis s'engouffre dans la chambre des machines. Il en sort bouleversé. Elle est jonchée de débris. Les câbles, les conducteurs, les récepteurs sont grillés et tordus. Tous les plombs ont fondu. C'est un court-circuit général. Un arbre a éventré les réservoirs au moment de l'atterrissage. Plus d'eau potable à bord. Le poste de TSF est en miettes. Si l'accident est irréparable, il sera impossible de communiquer avec IRTA ou avec toute autre station de télégraphie sans fil. L'appareil de téléphonie sans fil, qui fonctionnait parfaitement, est encore plus maltraité. Autour du duc de Palerme, calme et maître de lui, tout le monde s'est groupé. Il interroge le docteur. « Monseigneur, un court-circuit formidable et inexplicable a grillé toutes nos connexions. Les moteurs et les accumulateurs me semblent en bon état. J'espère donc, en quelques jours, que tout sera réparé. Je vais me livrer à un examen approfondi de notre machinerie et je vous fixerai plus sûrement d'ici ce soir. » Mais Fond Rami s'avance vers le prince. Si les populations du Tibet ne sont pas redoutables, on ne peut en dire autant des Chinois, des tribus du Kafiristan, des Hindous et de tant d'autres nomades qu'on pourrait bien rencontrer dans ce pays parfaitement inconnu. Donc, il faut prendre des précautions. Armer le personnel et organiser un service de garde. S'en reposant sur son expérience, le duc de Palerme le charge de ce soin. On distribue à chaque homme un mousqueton automatique à chargeur de 6 cartouches, ainsi qu'un large coutelas. Un service de garde est organisé, un poste sous la passerelle, une sentinelle sur le pont. L'aéronef donne une légère bande à droite. Il a atterri auprès d'un bouquet de bois au milieu de larges prairies naturelles qu'entourent des forêts profondes. Tandis que sous les ordres de Ferrato, chacun s'emploie à réparer les désordres causés par l'accident, Fond Rami propose d'aller à la découverte. Il veut s'orienter, savoir où l'on est. Ses compagnons essaient en vain de le retenir. Il leur expose que cela fait partie de son métier d'explorateur. « Il vaut mieux, ajoute-t-il, qu'ayant l'habitude de ces sortes d'expéditions, il s'y risque de préférence à tout autre. » Il s'équipe, passe à sa ceinture un pistolet automatique, emporte une carte à grands points, une jumelle, une boussole goniomètre, et part. Cependant, un matelot armé s'est joint à lui. Il doit accompagner Fond Rami et revenir à bord dès qu'on aura trouvé une source. Fond Rami observe qu'entre les bouquets d'arbres, la prairie s'infléchit et se creuse, formant une sorte de talweg. Il s'y engage, le suit et ne va pas loin. Devant lui, dans une sorte de fosse verdoyante, une eau claire et pure jaillit du sol. Voilà la source. Il l'indique au matelot et poursuit sa route. Maintenant, rapide et attentif, il se glisse à travers bois, jetant de droite et de gauche de longs regards inquisiteurs. Dans cette forêt, les arbres d'Europe se mêlent aux espèces qui caractérisent les tropiques. À côté des noyers, des aunes, des bouleaux, croisent des bananiers, des figuiers, des palmiers et des bambous. Il y a aussi parmi les fougères des magnolias à fleurs blanches et des magnolias à fleurs pourpres. Au sommet d'un coteau, on voit un bouquet de pins qui ressemble à un bois sacré. L'explorateur a beau regarder, tout est désert. Cependant, dans une petite clairière, il observe des traces qui ont pu être laissées par des hommes et devient plus prudent. Au ciel, midi monte. Fon Rami s'arrête. Au pied d'un arbre, il s'assied et mange rapidement. Puis il repart et décrit un immense cercle de 2 kilomètres autour de l'aéronef. La nuit tombe, Fon Rami escalade un grand arbre. Souple et adroit, rompu à la gymnastique, il passe de branche en branche et monte vers la cime, jusqu'au moment où les hautes branches commencent à fléchir sous son poids. Sa tête émergeant du dôme de feuillage, il regarde et, par-delà, la mer de verdure, dans le soir qui descend, il aperçoit des feux qui, au loin, piquent l'ombre. Mais à quelle distance ! Vivement, il glisse de branche en branche, se laisse couler au pied de l'arbre et regagne l'aéronef. Lorsqu'il arrive, la nuit est tombée et, dans l'obscurité, voici une corvée qui revient de l'eau. Après le dîner, conseil de guerre. Fon Rami expose les résultats de son exploration. Il a vu des feux, feux de campement ou de village. Les travaux de réparation vont exiger plusieurs jours, pendant lesquels assurer la sécurité de l'aéronef est d'importance. Fon Rami annonce qu'il repartira le lendemain pour savoir dans le voisinage de quelle espèce de gens on se trouve. Cette exploration ne sera pas sans danger. Aussi la fera-t-il encore seul, trouvant inutile de risquer d'autres vies que la sienne. On proteste, mais comme il tient bon, il a gain de cause. Dans la nuit maintenant très noire, les sentinelles veillent et Ferrato fait une patrouille à la tête de ses hommes. Il croit voir quelques silhouettes suspectes à la lisière de la forêt. N'est-il pas le jouet d'illusions d'optique ? L'aube vient, il fait presque clair sur la prairie. Fon Rami part, fusil en bandoulière et canne à la main. Il s'oriente et avance à grandes enjambées. Il fait environ 1200 mètres et arrive à la hauteur d'un taillis. Plusieurs hommes en surgissent et l'assaillent. Il n'a pas le temps de saisir ses armes. Habile boxeur, d'un direct de gauche porté à la pointe de la mâchoire, il foudroie un de ses adversaires. Il veut redoubler sur les autres, mais trop tard. Un coup de bâton s'abat sur son crâne. Il tombe. Immédiatement, il est garrotté, couché sur une sorte de civière et à toute allure emporté à travers bois. On travaille ferme à bord de la rondine. On répare les moteurs, on remplace les cadres grillés. Le docteur Lauricci, en veste bleue, une lime à la main, dirige ses hommes. Ferrato et le prince l'aident de leur mieux. Le soir tombe et Fon Rami ne rentre pas. Il avait promis d'être là à 3 heures et voilà la nuit. On déplore amèrement de l'avoir laissé partir seul. Le prince prend avec lui 5 hommes et part à la découverte. À l'aide de lampes électriques, il retrouve auprès d'un taillis la canne de Fon Rami et relève sur l'herbe les traces d'une lutte. Tout devient clair pour eux. Cependant, le prince roule 1000 projets et se promet bien de ne pas repartir sans avoir retrouvé son compagnon de voyage. Dîner triste. Personne ne parle. Chacun est tout à ses pensées. Après quoi, tout le monde, las et brisé, songe à dormir. Est-ce le palais du sommeil, cet aéronef ? Tous, passagers et gens de l'équipage, étouffent des bâillements et gagnent promptement leur couchette. Bientôt, il n'est personne qui ne dorme, même les matelots de garde, d'un sommeil lourd et artificiel. Alors, des groupes d'hommes étranges surgissent de la forêt, escaladent l'aéronef et sautent à bord. Passagers et matelots, surpris dans le sommeil dont ils ne se réveillent pas, sont garrottés et couchés sur des brancards. Des bras robustes les enlèvent et un mystérieux cortège s'enfonce dans les profondeurs de la nuit.